Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, RSCO est parmi nous ce soir. Vous êtes toujours sur Capital du Crime Radio. Le Yankee revient car le produit est bon. La pétasse revient car le rebeu est bon. Ils étaient pas dans le banc donc j'ai coupé les plans. Dans mon frère ils ont mis du plomb et j'ai pété les plans. Si c'est pas pour le cash on va pas répondre. Même si j'ai confiance on refait les comptes. Si t'en laissant au sol ils viendront plus parler. Si c'est pas pour les sommes on va pas se déplacer. Donnez-moi, j'ai mes chaos, c'est mon heure de glory. Tout est loué dans ta story, j'tire pas sur les pieds, j'veux pas finir comme Tory. Et j'fais plus de cash qu'un trader en business et au petit déj j'ai du miel, pops. On préfère rester discret ici, le silence est d'or pendant que les guns. Ma pétasse me fait des appels des fois, même la différence appelle ce soir. Y'a trop d'infos dans ma tête, c'est noir. Dans le gros poli, tu sais que c'est moi. Dans le gros poli, tu sais que c'est moi. Y'a quatre sorties de bois et j'ai mis de la distance. Les grands sont à terre, le four est à prendre, j'connais deux, trois petits qui se lancent. Le Yankee revient car le produit est bon. La pétasse revient car le rebeu est bon. Ils étaient pas dans le banc donc j'ai coupé les plans. Dans mon frère ils ont mis du plomb et j'ai pété les plans. Si c'est pas pour le cash on va pas répondre. On va pas répondre non. Même si j'ai confiance on refait les comptes. Jamais. Si t'en laissant au sol ils viendront plus parler. Si c'est pas pour les hommes, on va pas se déplacer. Avec RSCO dans le RSQ, on roule dans le salaire de Ryan Cherki. J'ai de la blanche, j'ai de la faire kill. Tu m'as dit grand, aujourd'hui on doit faire qui. La frappe vient du riz sur le poignet, c'est Van Cleef. Entre nous y'a une grande diff. Toute la journée ça vend le jaune. T'as mangé chez elle, j'crois qu'elle t'a fait le soul. Si c'est pas pour le cash, on va pas répondre. Même si j'ai confiance, on refait les comptes. Si t'en laissant au sol, ils viendront plus parler. Si c'est pas pour les sommes, on va pas se déplacer. Le Yankee revient car le produit est bon. La pétasse revient car le rebeu est bon. Ils étaient pas dans le banc donc j'ai coupé les plans. Dans mon frère ils ont mis du plomb et j'ai pété les plans.